Étranger, qui que tu sois, ouvre ceci et tu apprendras des choses stupéfiantes. La cité des nuages et des oiseaux, d'Antoine Diogène. Folio Alpha. Le codex Diogène mesure 30 cm sur 22 cm. Nous n'avons pu sauver de l'ensemble que 24 feuillets, classés ici de Alpha à Oméga, rongés par les vers et en partie effacés par les moisissures. Tous ont subi des dommages plus ou moins sérieux. L'écriture est soignée, inclinée vers la gauche. L'extrait qui suit est tiré de la traduction de Zeno Ninis, 2020. Depuis quand ces tablettes se décomposaient-elles au fond de leur coffre, attendant des yeux capables de les lire? Je gage, ma chère nièce, que tu mettras en doute la véracité des extravagantes péripéties qui y sont contées, quoique ma transcription en respecte scrupuleusement chaque mot. Il se peut que les hommes aient jadis arpenté la terre sous l'apparence de bêtes, et qu'ait existé dans les cieux une cité des oiseaux, flottant entre le royaume des humains et celui des dieux. À moins que ce berger, comme tous les insensés du monde, n'ait fabriqué une vérité de son cru, qui à ses yeux était bien réelle. Mais passons sans attendre à son histoire, et faisons-nous notre propre idée de son bon sens.